Section 16, Livre 2, chapitre 21 à 25. Chapitre 21, Clair de lune. Lorsque Mnégaé eut atteint Corétoki, celui-ci voulut la repousser. Les convenances avant tout. La jeune fille persista, et les deux couples, Mnégaé et Corétoki, Matsue et Obana, suivirent en silence le chemin qui mène à la montagne de Maruyama, près de Shiba. C'était l'heure du chien, 8 heures du soir. La lune éclairait de ses pâles rayons la surface miroitante des eaux du Sinagawa. Au milieu de la douce mélancolie du paysage, les 4 infortunés, éprouvant une triste émotion, restèrent longtemps muets et pensifs. Ils s'étaient arrêtés dans un endroit fort escarpé. Derrière eux se dressaient des rochers et des arbres énormes, dont les ombres se projetaient en dessins fantastiques sur les montagnes voisines. À leurs pieds, s'étendait l'étroite et profonde vallée de Nishino-Kubo. Les arbres qui poussaient dans ce creux étaient si serrés et si hauts que leur sommet venait s'étendre en une mer de verdure et formait une sorte de plaine ondulée à 200 pieds au-dessus du sol. Mnégaé prit l'encrier de bronze que toute femme lettrée porte à sa ceinture, elle en tira un pinceau et écrivit rapidement sur un papier qu'elle avait étendu sur ses genoux. L'écriture élégante s'allongeait en lignes verticales comme des vermisseaux noirs et contournés. La lune faisait briller l'encre humide et donnait au caractère un reflet métallique. C'étaient des vers qu'écrivait Mnégaé. Elle retraçait les malheurs de sa vie, ses regrets d'avoir amené sur la tête de son amant le kandō paternel. Elle reconnaissait qu'elle avait eu tort d'avoir laissé son cœur s'abandonner à un amour que les convenances condamnaient, et elle remerciait Corétoki de l'avoir respecté. Puis, elle posa lentement le papier sur les genoux du jeune homme, et avant qu'il eût pu le lire, elle s'avança sur une pointe de rocher, et comme prise par le vertige qu'inspirait l'océan d'arbres qui s'étendait sous ses pieds, elle s'élança au milieu des branches. Un grand craquement se fit entendre, puis un bruit sourd. Le feuillage, après avoir oscillé quelques instants, reprit sa tranquillité primitive. « Mnégaé, Mnégaé !» s'écria Corétoki. Sa voix resta sans réponse. Alors, aidé d'Obana et de Matsue, il entreprit, à la clarté de la lune, la descente dangereuse à travers les rochers. À mesure qu'il s'enfonçait dans la vallée, l'obscurité augmentait. Enfin, presque à tâtons, ils arrivèrent au sol humide et cherchèrent. Guidés par quelques éclaircies qui faisaient sur les broussailles des taches rondes et blanches, ils finirent par apercevoir la robe de Mnégaé dont les couleurs vives se distinguaient au milieu des ombres. Le cadavre de la jeune fille était couvert de sang et ses vêtements étaient en lambeaux. Le désespoir de Corétoki fut effrayant et la solitude retentit de ses cris déchirants. Lorsqu'il eut bien pleuré, il se leva et serrant dans sa main les vers que Mnégaé venait de lui remettre, il recommanda à ses amis de veiller sur le corps et prit le chemin de la maison de son père. Il se fit reconnaître par les serviteurs qui gardaient la porte, alla droit à la chambre de son père, se prosterna à côté du vieillard qui était couché. « Mnégaé vient de se tuer » s'écria-t-il. « Oh mon père, ne pardonnerez-vous pas? Voici les vers qu'elle a écrits avant de mourir. Vous y trouverez toute son âme et la preuve de sa pureté. » Le père saisit le papier et l'approcha de la grande lanterne carrée posée près de son makura. Quand il eut fini de lire, des larmes jaillirent de ses yeux. « Donnez des ordres, » dit-il à son fils. « Que tout soit préparé pour faire à Mnégaé des funérailles dignes d'elle. » Chapitre 22. Deux et deux font deux. Après ce cruel incident, Corétoki passa sa vie dans la tristesse. Pour ne pas laisser perdre le nom de sa famille et procurer à lui ainsi qu'à ses ancêtres les hommages dus aux mânes des morts, il adopta pour fils un enfant étranger. Obana et Matsue se retirèrent à Shiba, près de l'endroit où Mnégaé s'était suicidé. Le père de Corétoki fit élever là une petite chapelle dédiée au dieu Kwannon et organisa un petit monastère pour deux. Le couple y vécut longtemps, s'occupant à des exercices de piété. Après la mort de ce ménage religieux, la famille de Corétoki installa un prêtre pour continuer à la chapelle les soins que lui avaient donnés Obana et Matsue. Or, quelques années plus tard, Ieyasu venait d'installer le shogunat à Yedo. Il cherchait naturellement tous les prétextes pour embellir sa nouvelle capitale et construisait volontiers monument sur monument. Un miracle vint lui fournir une occasion de satisfaire son goût pour les édifices. Il se promenait, un jour, dans les environs de la ville, accompagné d'une suite nombreuse, lorsque tout à coup son cheval se cabra et refusa de faire un pas de plus. Le shogun mit pied à terre et vit sur le bord du chemin une petite chapelle. Évidemment, l'animal, plus sensible que les hommes aux influences surnaturelles, servait d'instrument aux dieux pour attirer l'attention du grand ministre sur l'humble chapelle qu'on avait érigée là. Devant l'édicule, un prêtre faisait sa prière. C'était la chapelle d'Obana et de Matsue. Le shogun se mit à causer avec le prêtre, un certain Sonoo, qui était fort savant. L'entretien plut au ministre, qui revint souvent voir le bonze pour s'entretenir avec lui des grands mystères si relevés et si compliqués de la religion bouddhique. C'était bien le cas pour garder le souvenir du miracle du cheval, de construire un temple et de remplacer la petite chapelle par un édifice digne de Kwan Non. La statue qu'avait consacrée Obana et Matsue existe encore dans le temple construit par Ieyas et rappelle la vie d'austérité et de prière que mena le pieux ménage, soit pour racheter des erreurs de jeunesse, soit pour honorer la mémoire de Mnegae. Ieyas construisit aussi la grande tour, à 5 étages, qui a été brûlée récemment. Il établit également les chapelles accessoires du grand temple et presque toutes les maisons de prêtres. Ainsi furent fondés les temples de Shiba, qui rappellent l'histoire populaire des deux amants. Maintenant, on peut se demander qui sont ces deux amants. S'agit-il d'Obana et de Matsue? S'agit-il de Koretoki et de Mnegae? Ce sont les deux premiers qui ont inauguré et entretenu la chapelle primitive. La statue qu'ils adoraient figure dans le grand temple. C'est pour les remplacer qu'on installa un prêtre d'abord, puis tout un clergé. Eh bien, les deux amants, dont le souvenir a présidé à la fondation des temples de Shiba, ne sont pas Obana et Matsue. Obana était un secrétaire inférieur. Matsue était une suivante. Ils ne comptent pas dans l'histoire. Les seuls, les vrais amants, les amants indiscutables, sont Koretoki et Mnegae. Parce que Koretoki est d'assez bonne maison et que Mnegae est une grande dame de la cour de Kyoto. Il faut être féodal et garder les distances jusque dans les souvenirs. Voilà pourquoi, désirant être convenable, je ne vous ai pas raconté l'histoire des 4 amants. Chapitre 23. Restaurant de la lune et des fleurs. Après nous avoir fait visiter les principaux marchands de curiosités de la ville et nous avoir initiés à la connaissance de certains bibelots japonais, Matsumoto nous conduit aux environs de la grande rue de Ginza, dans un établissement indigène où nous devons savourer à la fois danse, musique et festin. Cela s'appelle le restaurant de la lune et des fleurs. Une petite cour précède la maison. Dans la cour, un puits, un arbre, et le paysage est complet. À peine entré, une épouvantable odeur nous saisit. Matsumoto nous apprend qu'il en est ainsi ordinairement dans toutes les habitations japonaises où la civilisation n'a pas encore introduit les systèmes inodores. Nous gravissons un étroit escalier et l'on nous fait une chambre en agençant quelques panneaux de papier peint. Notre aimable guide nous engage à suivre l'usage japonais, à prendre un bain avant le repas. J'hésite. Régamé, qui se livre volontiers à la couleur locale, n'hésite pas et revient quelques minutes après, vêtu, ainsi que Matsumoto, de longs et amples kimonos japonais. Je dois le reconnaître, Matsumoto est transformé. Il n'a nullement la prétention de lutter de beauté avec l'Apollon du Belvédère. On peut même dire que, emprisonné dans la jaquette européenne, il a un aspect assez chétif et étriqué. Mais tout d'un coup, il a pris la démarche d'un prince de l'antique Asie. Ses gestes harmonieux sont soulignés par les plis des draperies. Les fines attaches de ses pieds, de ses mains, de son cou donnent de l'élégance à toute sa personne. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi les Japonais, qui ont un costume national commode, artistique et économique, se croient obligés de s'habiller à grands frais avec nos vêtements gênants et ridicules. Aussi, tandis que nos deux compagnons s'étendent avec nonchalance sur la natte moelleuse, je cherche vainement une position qui ne fasse pas craquer mon pantalon et ne me donne pas de vagues ressemblances avec un singe à 4 pattes ou un ours savant. Le repas commence. D'abord du thé et des gâteaux spongieux, casteira. Puis on apporte le potage, servi dans des tasses à couvercle, en laque noire. Le potage, sui mono, se compose d'un morceau de poisson bouilli, nageant dans l'eau en compagnie d'un cube de flan et de plusieurs petits oignons. C'est très bien. Mais c'est avec de petits bâtonnets qu'il faut découper le poisson, emporter les fragments à la bouche et retirer des lèvres les arêtes nombreuses qui encombrent le mets. Faudra-t-il renoncer et mourir de faim ? Le moment est dramatique. Matsumoto nous offre ses conseils. Un des bâtonnets doit se tenir entre le pouce, l'index et le médium, absolument comme une plume à écrire. L'autre bâtonnet s'introduit dans le pli que forme avec la main la naissance du pouce et, s'appuyant d'autre part sur la première phalange de l'annulaire, forme une ligne fixe de laquelle s'approche ou s'éloigne, comme une mâchoire, l'extrémité du premier bâtonnet. La difficulté est de faire mouvoir la branche supérieure exactement dans le plan de la branche inférieure. Pour peu qu'elle s'en écarte, les extrémités, au lieu de se réunir et de saisir les aliments, se dépassent et font tourner et tomber le morceau juste au moment où l'on est sur le point de l'avaler. Tant bien que mal, nous ingurgitons le potage. Deuxième plat, assiette de porcelaine rose et grise contenant des fragments de pieuvre, amabi, flanqués de confitures d'abricots et de quenelles jaunes, formant ensemble une sorte de moire orange, kuchitori. Cet étrange accouplement pourrait bien provoquer quelques révoltes de la part de nos estomacs, mais les musiciennes sont introduites et leur arrivée amène une diversion salutaire. Les jeunes filles se mettent à genoux en face de nous et accordent leurs instruments. Elles me paraissent vouloir résoudre un problème insoluble car elles y mettent beaucoup de temps et n'arrivent à aucun résultat appréciable. L'une joue du samisen. La longue et mince guitare, ornée de peaux de serpent, dont les sons rudes et courts n'ont rien de musical. Une joueuse de samisen qui se respecte joue toujours faux. Si elle chante, elle chante d'accord avec l'instrument, c'est-à-dire faux, ou du moins dans une tonalité que nous ne pouvons saisir et dont je trouve les intervalles toujours trop petits. Serait-ce là les fameux quarts de ton de la musique grecque ? Malheureux Athéniens, comme vous avez dû souffrir ! Une autre musicienne joue d'un petit tambour qu'elle tient de la main gauche sur son épaule et qu'elle frappe de la main droite. Les cordons de soie qui tendent les peaux du tambour sont réunis dans la main gauche qui les serre et les tend à chaque coup frappé, de sorte que le son jappe et crie comme un hurlement de phoque en colère. Une frêle jeune fille se place devant un tambour incliné et tient longtemps levé le bâton qui doit frapper. Subitement, elle l'abaisse et produit un son épouvantable. Où peut-elle prendre la force de faire un tel vacarme ? L'art, l'étude assidue, les dispositions naturelles, le sentiment musical amènent à ces résultats. C'est beau, la musique. Fière de l'effet obtenu, elle redouble d'activité et je ne crois pas qu'une machine à piler les minerais puisse arriver à ce charme et à cette puissance de sonorité. Enthousiasmée, elle chante en poussant des cris de chat écrasé, le samisen s'anime et lance des notes les plus déchirantes, tandis que le petit tambour aboie de son mieux. Lorsque le morceau est terminé, ce dont on s'aperçoit parce que le bruit cesse subitement, il est d'usage d'offrir le saké aux exécutants. Le saké, c'est l'eau-de-vie du pays, faite avec du riz fermenté et distillé. On le sert tiède dans d'élégants petits flacons de porcelaine, les petits verres sont remplacés par des coupes minuscules, légères comme des coquilles d'œufs. Chaque convive remplit une tasse, y trempe ses lèvres et l'offre à la musicienne qui fait semblant d'en boire le contenu et sous prétexte de laver la tasse, la vide dans un bol d'eau chaude préparé à cet effet. On peut par ce procédé vider beaucoup de flacons d'eau-de-vie sans se griser sensiblement. Tout cela se fait avec force politesse. Les artistes se confondent en remerciements et reçoivent ces hommages avec la confusion modeste qui sied à des virtuoses sûres de leur talent. Chapitre 24. Danses et festins. Arrive une danseuse. C'est une enfant aux traits fins qui se prosterne devant nous en déclamant une formule de politesse entrecoupée de beaucoup d'aspirations dentales, signe de déférence. Plus on aspire, plus on est poli. L'orchestre accorde de nouveau ses instruments. La danseuse se lève et prend des poses. C'est une danse dramatique qu'elle exécute. On retrouve dans ses attitudes les allures contournées des vieux dessins japonais. Dans sa pantomime, les traits du visage restent impassibles. C'est une élégie à froid qui n'a que des restes et point d'âme. Il est vrai que la pauvre enfant reproduit consciencieusement les mouvements qu'on lui a appris, mais qu'on n'en connaît pas le sens. En passant à travers les âges, cette danse s'est transmise de génération en génération, et l'histoire représentée s'est perdue en route, de même que certaines formules religieuses sont répétées pendant des siècles, alors même qu'on ignore ce qu'elles ont signifié. La danseuse nous raconte une histoire qu'elle ne comprend pas, elle danse peut-être en sanskrit comme un bonze fait sa prière. Troisième plat, lamelle de taï cru. Le taï est un gros poisson rouge que l'on représente souvent avec le dieu Yébis. C'est un excellent manger, quand il est cuit. Il rappelle la dorade et la surpasse en succulence. Ses lamelles, d'un rose pâle, sont servies dans un plat bleu à dessin blanc et posées sur une petite grille de cristal sous laquelle on a glissé une feuille de laurier sombre. Pour compléter l'harmonie du mets, un peu de purée de radis vert pomme fait camaïeu avec la feuille de laurier et lie entre eux tous ces tons bleus, verts et roses. Avec ce plat, on apporte une tasse de porcelaine de Kutani, rouge et or, dans laquelle on a versé la fameuse sauce japonaise, shoyu. Chaque morceau de poisson saisi avec les baguettes est trempé dans la tasse. C'est là le régal des Japonais et le mets national par excellence. À ce moment, la geisha ouvre un éventail et exécute un pas des plus gracieux. Seulement, Félix en trouble l'ordonnance pour faire de temps en temps arrêter la jeune fille dont les mouvements sont si variés que le crayon rapide de l'artiste n'a plus le temps d'en fixer un seul. La danseuse porte une robe grise transparente sous laquelle on devine un vêtement d'un rouge vif. Ses manches sont longues et sa ceinture est écarlate. Son éventail est couleur d'argent. Est-ce que la musique japonaise serait comme les œuvres des grands maîtres qu'il faut entendre plusieurs fois pour y trouver du charme ? Il me semble que je m'habitue au charivari que j'entends. Je me sens impressionné, malgré que j'en ai. Ces tonalités indécises, ces rythmes incohérents, vont bien avec ces gestes imprévus. La grâce des lignes, le choix des teintes, l'étrangeté de l'orchestre et des chants font un ensemble qui émeut. Surtout quand on avale, pour compléter la sensation, des lamelles de taï cru trempées dans la sauce dorée. C'est de la couleur locale à haute dose. On se sent envahi par une poésie singulière, âcre et voluptueuse. Les musiciennes tapent et crient, la geisha s'anime, on est ravi. Mais l'odeur, l'affreuse odeur qu'on avait oubliée et qui revient de temps en temps par effluves nauséabondes. Ah ça, voyons, les Japonais qui ont l'œil artiste, qui ont peut-être l'oreille délicate, les Japonais n'ont donc pas d'odorat. Allons, ne respirons pas et regardons. Quatrième plat, du taï bouilli, servi dans une porcelaine verte à dessin doré et orné de quelques fleurs élégamment jetées. Pendant que nous dégustons le taï bouilli, la danseuse est éclipsée. Elle ne tarde pas à revenir avec un nouveau costume. Elle a mis une robe de soie d'un gris verdâtre, serrée par une ceinture rouge et bleue, rayée de dessins blancs. Elle porte sur tout cela au milieu du dos un formidable nœud en étoffe or et jaune. Une sorte de gilet de la même étoffe brillante apparaît sous sa robe autour de son cou. Elle danse un pas animé sur une mesure de 6/8 et chante en dansant. Voici, à peu près, le sens musical de sa mélodie, Kapori. Mais je ne garantis pas du tout l'exactitude de l'air, car notre système de notation est tout à fait impuissant à rendre les intonations japonaises. Cette danse est ravissante. Il me semble même que la joueuse de samisen joue presque juste. Quant aux chanteuses, elles persistent dans les notes indéterminées. Cinquième plat, large assiette d'un bleu foncé sur laquelle on apporte un morceau de poisson frit, tout blanc, escorté de 3 petits homards roses. La danse est finie, mais nous la faisons recommencer à la grande joie de la jeune fille qui n'est pas habituée, paraît-il, à un tel succès. Aussi s'élance-t-elle avec plus d'entrain et se risque même à sourire en faisant ses pas. Mais, quelle que soit son animation, jamais elle ne saute. Le charme est surtout dans les poses, toujours harmonieuses, grâce aux longs plis du vêtement. La danse à robe courte est peut-être une erreur. Sixième plat, pour faciliter la digestion des aliments hétéroclites que nous avons avalés, nous utilisons les lois de la pesanteur en absorbant force tasses de riz bouilli relevées par des morceaux de concombre fermentés et salés. Eh bien, on ne le croira pas, nous avons fait dans le maniement des baguettes de tels progrès que le riz saisi plus ou moins adroitement par nos bâtonnets disparaît avec une certaine rapidité. Encore une petite coupe de saké et l'addition, dont voici la traduction. Somme due, 2 yens, dollars, un bout, shilling, pour trois messieurs, saké et mets. Idem, 75 cents, sous, pour les servantes de saké, c'est-à-dire les musiciennes, les chanteuses et les danseuses, pas cher. Idem, 12 cents, 5 rins, un demi-centime, et traîne au préparateur du bain. Idem, 25 cents, glace et sucre. Total, 3 yens, 37 cents, 5 rins, 16 francs environ. Les sommes ci-dessus mentionnées, nous les avons reçues sûrement. 9e mois, 4e jour, signé Takekawa Tio, Shin Michi. Restaurant de la lune et des fleurs, ici le cachet. Matsumoto et Regame reprennent leur affreux costume européen. Les jeunes filles ont disparu. Nous remercions notre aimable guide et reprenons le train pour Yokohama. Chapitre 25. L'art au Japon. D'où vient que le moindre objet japonais nous étonne par sa simplicité, nous émotionne par son étrangeté et nous charme par son harmonie. Qui a donné aux singuliers insulaires du Nippon le goût, la sobriété, l'élégance? Qui les a doués de l'invention, de l'adresse, du talent? La race, le climat, l'éducation. Trois facteurs ont amené cette résultante exquise, l'art japonais. La race, quelle est-elle? Écartons d'abord les Ainos, qu'on a bien à tort donné pour ancêtres aux Japonais. Mettons de côté ces sauvages poilus, amis du froid, figés dans leur ignorance, sibériens égarés dans l'océan, échoués on ne sait quand sur la partie la moins aimable de l'archipel japonais. Restent trois types. Le coréen, pommette saillante, face en losange, œil bridé, teint jaune, membres grêles, taille minime. C'est le dernier venu. Amené sans doute par la conquête, il est dominateur et guerrier. Les grands seigneurs qui ne sont pas de la race des dieux sont coréens. C'est ce type étroit qu'on rencontre le plus souvent parmi les jeunes japonais que le Mikado envoie en Europe et en Amérique. Le chinois, c'est un coréen grandi et anobli. L'œil est moins bridé, la joue plus remplie, le teint gris. Il est de préférence commerçant et agriculteur. Il est venu au Japon à toutes les époques et généralement dans les périodes pacifiques, attiré par les échanges et le besoin de coloniser. Comment appeler le troisième type ? Celui qu'on trouve sur les peintures les plus anciennes, celui qu'on donne aux dieux, celui qu'on ne voit qu'au Japon. Et parbleu, c'est le type japonais. Autochtone peut-être, très ancien à coup sûr, gracieux comme l'anamite, élégant comme l'indien, noble comme le sémite, on le trouve chez les plus anciennes familles, mais aussi chez les plus pauvres. Jinriki et grand seigneur sont frères par la beauté. Dans les villages des montagnes, le profil devient caucasien, la peau blanche et la joue rose. Donc c'est entendu, nous trouvons là la race des dieux du Japon, née sur le sol comme le veut la légende, ou venue de fort loin comme c'est probable. Dans tous les cas, le type le plus répandu mais panaché, croisé, compliqué par le chinois et le coréen. Cette race habite sous un climat doux et chaud, rafraîchi par les brises de mer, un archipel enchanté, où les montagnes vertes se mirent dans les golfes bleus. Partout, les arbres géants alternent avec les bosquets fleuris, constellés de camélias. Sur les versants rapides, les azalées roses ou blanches étalent leurs plaques lumineuses. Ça et là, le paulownia étage ses plumets de fleurs d'un bleu pâle. À l'automne, les chrysanthèmes monstrueux ressemblent à des soleils perdus dans la verdure. Dans les vallons humides, les bambous vigoureux dressent leurs tiges luisantes vernissées de noir et de vert. Les bambous, la vie du Japon, qui y trouve ses maisons, ses meubles, ses ustensiles, les bambous, dont le feuillage léger et fin est un symbole de bonheur. Du premier coup, le Japonais est resté émerveillé de la nature qui l'entourait. Il a admiré le sol bienfaisant, la mer poissonneuse. Il a pensé sincèrement que des dieux se préoccupaient de le rendre heureux. Il s'est montré plein de reconnaissance pour les forces surnaturelles qui lui donnaient la chaleur, la lumière, la joie du corps, la joie des yeux, qui faisait mûrir sous ses yeux les fruits succulents, poussait sous ses pas les fleurs éclatantes, qui jetait dans ses filets les poissons savoureux. Et il s'est recueilli, a joint ses mains, s'est incliné et adoré, qui, quoi, tout. Le panthéisme était un devoir pour lui, le naturalisme un besoin. Il s'est fait une légende, une genèse enfantine, comme un conte de bébé. Il a déterminé ses dieux et leur a donné des noms. mais laissant dans l'infini les explications, les démonstrations, il a pensé qu'aucune méthode humaine ne pouvait préciser, qu'aucun talent mortel ne pouvait représenter ces prodiges incessants du sol japonais, et le respect de la nature lui a évité l'idolâtrie. Dans les endroits les plus beaux de son pays, il a élevé de petites chapelles, mia, en branchage ou en bois brut, couverts de chaume, mais il les a laissés vides. Ce sont des sanctuaires dont le Dieu est partout. Comme les anciens prêtres de l'Égypte qui cachaient au fond des temples un naos inhabité, comme les prêtres de Diane qui vendaient aux croyants des niches creuses sans idole, le japonais voit l'être suprême ailleurs que dans le bois qu'il façonne ou la pierre qu'il ajuste. Ces miyas semés dans la campagne ne sont donc que des symbolismes de sainteté. On les fait précéder d'un arc de triomphe, torii, en bois ou en pierre, affectant la forme relevée des perchoirs de faucons. Sanctuaires et torii sont ornés les jours de fête de tresses en paille de riz, siminara, de rameaux verts de sakaki ornés de rubans de papier blanc, gohei. De même en usaient les peuples de la Grèce lorsqu'ils suspendaient aux colonnes de leurs temples des guirlandes de verdure garnies de bandelettes. À certains moments, des citoyens officient. Ce ne sont pas des prêtres. Comme chez les Védiques, comme à Rome, le sacerdoce est une fonction civile. Pour s'adresser aux dieux, on coiffe la tiare, on revêt de longs costumes où dominent le blanc, le noir, le violet. Voilà la vraie religion du Japon, voilà sa croyance la plus ancienne, voilà le Shinto simple, pur, grave. Un peuple qui comprend ainsi le culte de la nature ne doit aborder l'art, ne doit toucher à l'imitation qu'avec une réserve, un respect, un amour, une conviction qui le sauve de toute erreur et de tout mauvais goût. Et voilà pourquoi l'art primitif au Japon est essentiellement correct, harmonieux et sobre. Cette sorte d'austérité a eu son correctif dans le caractère même du peuple qui nous occupe. Le Japonais adore la nature, mais la nature est ici tellement gracieuse que forcément le Japonais est gai. Volontiers, le sourire ira jusqu'à la grimace, les teniers viendront chatouiller les vandiques sévères. La légende nous raconte que lorsque Amaterasu, aux longs cheveux, personnification du soleil, se réfugia triste et confus dans la grotte sombre qu'il ne voulait plus quitter, Okame, la grosse réjouie, vint l'agacer par l'aurore de son large sourire. Armée du sistre sacré, elle dansa devant la grotte et le soleil se montra de nouveau. Les peintres aiment Okame. Sa figure ronde et joviale leur sert souvent d'enseigne. C'est dire que l'art sera sérieux, mais ne sera pas triste. Fin de la section 16.